voici l'esprit de Guillermo Gay. Bonjour, bonjour les amis. Salut. Salut. Bon, par où je voulais commencer? Ah oui, ce putain d'Omar Sy. Qu'est-ce qui se passe? Oula, non. Là, je sens que vous allez insulter ma mère dans une langue morte, sous-entendant dans votre meilleur phénicien qu'elle tarifait son amour. Alors, mais laissez-moi m'expliquer d'abord. Alors, bon, vous l'avez sûrement remarqué autour de cette table, mais mes dernières chroniques, elles puent la dep. Franchement, souvent, les gens, ils me demandent si c'est Sohan de La Nouvelle Star qui écrit mes textes. Ça, c'est pas pour rien que ces derniers temps, Nagui, il dit plus la drôle d'humeur de Guillermo Guiz. Il dit juste, Guillermo Guiz. Je sais, hein, je suis désolé, je fous le cafard. Mais franchement, il y a des auditeurs d'Inter qui m'envoient des chats par la poste. Des chats pour m'aider à combattre la solitude, vraiment. Mais c'est pas la solitude le problème, puisque je vis à Paris. Comme chacun sait, niveau chaleur humaine, Paris, c'est un village. Ouais. Un village allemand, fin 45, où tout est à reconstruire, surtout le cœur des habitants. Mais c'est pas ça le problème, j'ai besoin de personne pour être heureux. J'ai été vice-champion d'Europe occidentale de masturbation en baignoire, juste derrière Tom Villa. Ah oui. Où ça s'est joué à deux doigts, vraiment. Ah, jeu de mots numéro 1, t'as vu, elle est là la dep. Non, je lis trop de livres où l'être humain n'est qu'un potage de nerfs, d'hormones et d'impulsions électriques. Ça me donne envie de crever dans un sous-marin russe. Alors il faut vraiment que je lise des trucs plus fun. C'est vrai, genre France Football, la Bible, etc. C'est vrai, être ton prochain et au paradis, t'auras ton point pépito. Ça, c'est un message d'espoir. Ils ont tout compris au bonheur, les curés. Bon, moi, en couture de la puberté, chacun ses limites, etc. Mais au moins, ils ne se morfondent pas toute la journée en se disant à quoi bon, on va tous mourir à part Michel Drucker. Et de toute façon, rien ne sera rien puisqu'on n'est qu'un hasard biochimique téléguidé hormonalement par les deux impératifs mécaniques du vivant, se nourrir et se reproduire. Là, j'ai réveillé Daniel Morin. Il disait, attends, deux impératifs, se nourrir et se reproduire. Oh putain, on dirait moi quand je sors de boîte. Vous savez, à 6h du mat, il n'y a plus que ça qui compte, me nourrir et me reproduire, si possible, en même temps. Faire l'amour, mais avec un grec. Wow, jeu de mots numéro 2. Wow, homophobe en plus, la classe. Elle est là, la vraie dame. Donc, voilà, quand t'as l'impression que rien n'a de sens, que tu dis, il faut arrêter les polémiques Facebook et tout, les tweets clash et les indignations en carton sur France Inter. Et c'est pour ça que depuis 3 mois, je parle au mieux de mon nombril et au pire de mon sgeg dans mes chroniques. Il y en a qui se fait, mais ouais, il me semblait bien qu'il ait plus rien dit d'intéressant depuis un bail hier mytho. Non, mais attendez. Tout n'est pas perdu. Parce que l'autre jour, je regardais pousser mes doigts en écoutant les Beach Boys, et là, qui je vois? Omar Sy sur l'internet sans fil. Fucking Omar Sy, quoi. L'alchimiste, il te fait une déclaration fiscale, ça devient Madame Bovary, quoi, vraiment. Omar Sy, son huissier de justice, c'est un homme meilleur depuis qu'il le connaît, je suis sûr, quoi, vraiment. Il embellit la vie, quoi, sérieux. Comme Allison, j'ai vu sa vidéo pour mobiliser le monde sur le sort des Rohingyas, et je me suis dit, mais putain, il va vraiment améliorer le sort des gens. Ouais. Putain, le bâtard, quoi. Le bâtard. Et ça me casse les couilles parce que vraiment, j'étais bien dans ma léthargie nihiliste à me dire que de toute façon, ça sert à rien. La vie vaut rien. Et en plus, la saison 3 de Gomorrah, elle est moins bien que les autres. Vraiment, ça fait un an et demi que j'attends. C'est moins bien. Vraiment, mais Omar Sy, c'est le retour. C'est le retour à la révolte contre l'absurdité. Vraiment, c'est Camus, Omar Sy. C'est Robert Guédiguian, quoi. C'est vrai. Regardez Guédiguian, il sort un nouveau film. Etc. Ouais. Il a jamais lâché son combat alors que Dieu sait qu'Hollywood l'a harcelé pour tourner un blockbuster. C'est vrai. On lui a dit, Robert, Transformers 4, c'est pour toi. Il a dit, non. On lui a dit, les Schtroumpfs 6, alors. Il a dit non. On lui a dit, je sais pas, mais un film avec Jean Dujardin au moins, vas-y, pas le gamin. Il a dit, faut voir. Mais il l'a pas fait parce que Guédiguian, il est resté fidèle à son combat, toujours le retour d'Arthur Georges au PSG. Et ça, c'est fort. Du coup, ça fait 60 piges qu'il fait le même film, mais on s'en fout. Il y a peut-être 30 grammes de plus de solidarité à Marseille grâce à lui, et c'est important. Et ça m'énerve de le dire parce que c'est vrai qu'on va tous mourir, à part Michel Drucker. Mais en attendant, arrêtez de m'envoyer des chats, putain. Allez, bonne émission. Merci, bravo. France Inter, Nagui, la bande originale.